se lève, espoir à l'horizon se cale. Encore dans ce rêve, debout comme à l'horizontale. Ça a changé, en mieux mais en toute saison je caille. Je me suis rangé mes fautes, la malle, t'as raison je braille. Trop, c'est dans l'attitude, à ce qu'on prend l'habitude. Et on finit par craindre d'avoir les crocs. À cran, rien n'a changé, en noir et blanc j'ai songé à peindre mon écran, donner des couleurs au congé. Quand même le moral depuis que j'ai forcé les choses faire. Ce qu'on a toujours eu envie de faire, c'est en allocasse frère. Dieu merci, je manque de rien mais jamais satisfait. Éducatrice et du caprice, pense mes cicatrices. Des sacrifices j'en ai fait mais dans un seul sens. Quoi qu'on en pense, j'ai passé trop tôt le stade de l'enfance. Tout a changé, malheureux non je crois pas. Dans ma nature de reculer deux quand j'avance de trois pas. On rêve d'un monde meilleur, avec ou sans malheur. Mais ce monde change en permanence. On n'a pas les mots pour, mais on fera avec ou sans. Et si on fonce à 100 à l'heure, dans le mur là on sera sûr d'avoir aucune chance. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. Mais je vagabonde dans un océan de conneries où les vagabondes. Tout a changé, je vois plus passer les saisons. Ce que je vois c'est le point de mon retour se profiler à l'horizon. Personne n'a su libérer ni mon cœur ni mes chaînes. Pas grave, le travail est fait sur terre, j'ai transmis mes gènes. La réalité a effacé tous mes rêves et le temps a réussi à me faire oublier le goût de tes lèvres. J'ai trop de souvenirs qui font mal et pour l'heure, la solution ça serait une lésion cérébrale ou Alzheimer. Le monde change, évolue n'importe comment. Donne-moi des bombes H, je te réécris le futur direct dans le roman. Je vois plus rien de positif et même si l'eau a coulé sous les ponts, je suis devenu hyper réactif, c'est pour ça que je pète les plombs. Tout a changé mais en pire, on fonce droit dans le mur, peu importe le danger. Ça la maladie de grandir, 7 milliards d'humains, un seul étranger. Le vertige, en imaginant tout ce qui peut changer. On rêve d'un monde meilleur, avec ou sans malheur. Mais ce monde change en permanence. On n'a pas les mots pour, mais on fera avec ou sans. Et si on fonce à 100 à l'heure, dans le mur là on sera sûr d'avoir aucune chance. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. Mais je vagabonde dans un océan de conneries où les vagabondes. On rêve d'un monde meilleur, avec ou sans malheur. Mais ce monde change en permanence. On n'a pas les mots pour, mais on fera avec ou sans. Et si on fonce à 100 à l'heure, dans le mur là on sera sûr d'avoir aucune chance. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. Mais je vagabonde dans un océan de conneries où les vagabondes.